L'actualité à Nancy et ailleurs. Claire Fournet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable événements et accueil des publics à la Cité des Paysages. Avec vous, on va parler des journées européennes de l'archéologie qui vont avoir lieu les 18, 19 et 20 juin. Pas seulement en France, pas seulement à la Cité des Paysages sur la colline de Sion, mais aussi partout en Europe. Mais là, bien sûr, on va s'intéresser à ce qui passe tout près de chez nous. Un mot peut-être sur votre rôle, vous, au sein de la Cité des Paysages, avant de parler du contenu de ces journées. Alors moi, je suis plus particulièrement en charge des ressources et des contenus à la Cité des Paysages et de la valorisation du paysage, en particulier du patrimoine. Et ce patrimoine, il est important hein, sur la Cité des Paysages, sur la colline de Sion. Ces journées alors européennes de l'archéologie, pourquoi particulièrement justement sur la colline de Sion ? La colline de Sion est un site hors du commun en archéologie. C'est un site d'occupation humaine très ancien, une occupation des néolithiques jusqu'à nos jours et qui est marquée par une occupation à l'âge du bronze, à l'âge du fer, à la période gallo-romaine. C'est vraiment un site très très riche et c'est pour ça qu'on a souhaité donc se joindre aux journées de l'archéologie. Pour ces journées de l'archéologie, que proposez-vous sur la Cité des Paysages ? Alors à la Cité des Paysages, à l'occasion donc des journées européennes de l'archéologie, nous proposons quelques rendez-vous le samedi et le dimanche sur la colline de Sion et ces rendez-vous sont organisés avec nos partenaires qui sont l'INRAP, l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives, et puis aussi le Service Régional de l'Archéologie de la région Grand Est. Donc nous travaillons sur ces journées à accueillir le public avec des archéologues. Qu'est-ce qui va se passer justement sur ce week-end des 19 et 20 juin ? On organise le samedi après-midi une conférence à la ferme Vautrin avec une archéologue de l'INRAP. Donc le samedi après-midi, 14h30 à la ferme Vautrin, on a une conférence qui s'appelle « La confidence des objets ». Et donc c'est ce que nous racontent les objets sur l'histoire archéologique de Sion, avec Karine Boulanger de l'INRAP. Quel genre d'objets peuvent être présentés ? Des objets qu'on a découverts lors des fouilles sur la colline de Sion. On fera un focus sur certains objets particuliers que les gens ne connaissent pas forcément. D'accord, c'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde. C'est une conférence, on aura à peu près une demi-heure d'intervention et ensuite des échanges avec l'archéologue. Et c'est sur inscription, évidemment, hein, avec les conditions sanitaires. Tous nos événements sont sur inscription. C'est gratuit, sur inscription. C'est à partir de 10 ans hein, sur ce type de conférence. Donc à la ferme Vautrin, 14h30 à 15h30. Hein. Même un jeune public peut être intéressé parce que ça reste très concret ce qu'on va pouvoir découvrir. Oui, oui, tout à fait. Pour le jeune public, on organise le dimanche de 14h30 à 17h30 des ateliers, cette fois avec le service régional de l'archéologie de la région Grand Est. On a 3 archéologues qui viennent, qui organisent des ateliers, alors là, beaucoup plus pratiques, qui vont apporter du matériel, ils vont apporter des objets. Un atelier, ce sera sur la découverte des monnaies gauloises et romaines de Sion, découvrir leur histoire à partir d'un petit peu de matériel. On aura aussi un atelier sur les céramiques proto-historiques, c'est-à-dire les céramiques qui datent de l'âge du bronze et de l'âge du fer, découvertes aussi sur la colline de Sion. Et puis un troisième atelier, plutôt sur le mobilier funéraire mérovingien, c'est-à-dire de la période après la période gallo-romaine. Et ça s'appuie aussi sur les découvertes qui ont été faites sur la colline de Sion. Pour un public plus jeune qui va pouvoir manipuler peut-être aussi à l'occasion de ces ateliers. Il y aura, je pense, des choses qu'on pourra toucher, oui. Et les archéologues nous montreront comment ils travaillent. Donc ça, ce sera le dimanche après-midi, hein, c'est ça ? Alors ça, c'est le dimanche après-midi à la Cité des Paysages. Alors ce sont des ateliers sur inscription. On a prévu en fait une inscription sur place à la Cité des Paysages parce qu'on devrait installer ces ateliers en extérieur, ce qui permettra une jauge un petit peu plus importante. Mais évidemment, on dépend de la météo, donc éventuellement, les ateliers auront lieu à l'intérieur. En tout cas, on a 3 ateliers différents proposés donc le dimanche. Déjà 2 événements, ce soit pour les grands et les petits. Mais c'est pas tout, je crois qu'il y a une marche aussi, on peut participer à une randonnée, il reste quelques places. Alors il y a une randonnée sur le thème de l'archéologie et du paysage autour de Vaudémont qui est prévue le samedi à partir de 16h, qui dure à peu près 2 heures, avec Karine Boulanger, archéologue à l'INRAP. Et puis moi je participerai aussi pour les aspects paysage. C'est une randonnée avec une petite jauge, hein. On accueille 18 personnes et on est presque complet. Il reste encore quelques places. Voilà, donc là aussi, on se rend sur le site de la Cité des Paysages pour s'inscrire. Comment fait-on ? Oui, tout à fait. Le plus simple est d'aller s'inscrire donc sur le site internet de la Cité des Paysages et de rechercher le programme 2021. Alors malgré tout, si on n'a plus de place, on peut toujours bien sûr visiter ce lieu et ce patrimoine. Est-ce que vous avez quelque chose à mettre en lumière pour les semaines à venir ou... Effectivement, avec les conditions sanitaires assouplies, on va pouvoir dès ce week-end accueillir le public aux ateliers à la Cité des Paysages. Chaque week-end, on a des ateliers qui sont sur inscription. Dans notre espace d'exposition, on aura alors toujours l'exposition Géographe à la recherche d'un monde durable. Donc, c'est une exposition qui sera accessible tout l'été, à partir de 8 ans à peu près, donc dans la Cité des Paysages. On aura une autre exposition en juillet qui s'appelle Énergie, Art et Histoire, donc à découvrir. Et puis, on aura tout au long de l'été, les dimanches, des temps un peu plus festifs avec quelques spectacles, des animations, donc en particulier les dimanches, donc les après-midi. Voilà, donc plein de choses à découvrir sur ce lieu unique. Pour celles et ceux qui n'y seraient pas encore allés, on invite forcément à passer une journée sur place ou quelques heures. Voilà, faire une balade. Vous pouvez découvrir le chemin de ronde avec ses panoramas sur le paysage du Saint-Ouen. Et puis, aller sur l'espace naturel du site Barès, espace naturel sensible, et puis visiter aussi le village de Vaudémont avec son passé médiéval. Claire Fironnet, merci pour cette présentation. Merci bien. Et on retrouve tout ça, bien sûr, sur le site de la Cité des Paysages, citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr. Merci encore. Oui, merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.